lance-moi dans l'espace. Lance-moi dans l'espace, propulse-moi. Va plus vite, accélère à la vitesse de la lumière. Lance-moi dans l'espace. Lance-moi dans l'espace, il est temps. Lance-moi dans l'espace.